père. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous voulez, ma Turine? Elle est jalouse de me voir vous parler. Il voudrait bien que je l'épousasse, mais... Oh, je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, cher Roulard? Comme vous le direz, ce sera inutile, elle s'est mis cela dans la tête. Quel nom, ma Turine? Vous parlerez, vous lui ôterez point cette fantaisie. Il n'y a pas rien de dire. Je voudrais bien savoir... Elle est obstinée comme tous les diables. Ah non! C'est une femme! Je pense... Et cela, c'est une extravagance. Non! Non, il faut que je lui parle. Je veux un peu savoir ses raisons. Quoi? Elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Je voudrais bien savoir... Quelle qu'elle va vous dire que je lui ai promis de la prendre pour femme. Oula, Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, ma Turine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde. Et il m'a promis de m'épouser. Que vous ai-je dit? Je vous vince les mains. C'est moi, non pas vous, qui l'a promis d'épouser. Oh! Oh, n'ai-je pas deviné? À d'autres, s'il vous plaît! C'est moi, vous dis-je! Vous vous moquez des gens! C'est moi, encore un coup! Le flaque pour dire si je dis pas la vérité! Le flaque pour me démentir si je dis pas vrai! C'est vrai, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Où pouvez-vous avoir cette pensée? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Mais vous raillez de moi! Vous voyez qu'elle le soutient! Je vous êtes témoin comme un assis! Non, il faut savoir la vérité! Il est question de juger ça! Oui, ma Turine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune! Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse! Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Oui. Parlez. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas bien ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à l'érudite? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire, et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce que par là que je veux vous mettre d'accord. Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle de vous a mon cœur. Laissez-lui croire tout ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids au poli vôtre. On ne peut plus souffrir les autres. Quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Pauvre fille que vous êtes, je ne puis souffrir de vous voir courir votre malheur. Croyez-moi, l'une et l'autre, ne vous abusez point à tous les comptes qu'on vous fait. Et demeurez dans votre villa. J'aimerais bien savoir pourquoi Scalarel ne suit pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a dessein que de vous abuser. Et on a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain. Il n'est point fourbe. Il n'a pas dessein de vous abuser. Il n'en a point abusé d'autres. Ah ! Tenez, le voilà. Demandez-le plutôt à lui-même. Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire. Et ne m'en casse pas de lui dire qu'il en a menti. Scannarelle. Oui, monsieur est homme d'honneur, je le garantis tel. Ce sont des impertinents. Monsieur,